Dans le ghetto, ça canne assez tôt. Oh, c'est dur, non, faut pas finir comme Pietro. Oh, fini sous alcool, molto quand c'est trop. Oh, moi je jette même plus de coups d'œil dans le rétro. Là on esquive la guardia, la cargaison en sécu. Faut lâcher la faire passer à autre chose qu'en sécu. Je réagis toujours mieux dans la vie avec du recul. Frozen boisson fraîche, espiante sous la canicule. Tu me vas passer à bloc avec du gros sang dans le véhicule. Nick Ben, t'es mort, toi qui s'allie et qui manipule. Faut remonter la pente, faut pas finir comme un légume. À trop faire le gros, tu peux les laisser. Blason et carbogrill. La chronique ici, tu as des frères. Des mecs bizarres, ils deviennent des frères. Tu m'es promis que t'es prêt à tout quitter. Ici, ça tue pour effrayer. Ici, très jeune, c'est réveillé. Ça cherche d'aller voler les mitraillettes. Sans sortir, faut le faire pas essayer. Tu appelles de phare, vas-y, décale, poteau. Toto, ça monte sur la moto. Armé, gilet, pare-balles, sicario, aller-retour. Dans la vie, qu'une chance, non, t'as pas de kitoto. J'te fais appel de phare, vas-y, décale, poteau. Toto, ça monte sur la moto. Armé, gilet, pare-balles, sicario, aller-retour. Dans la vie, qu'une chance, non, t'as pas de kitoto. J'te fais appel de phare, vas-y, décale, poteau. Plus de bagarre à saut, ça se vise la tête. Ça va même chez les darons pour t'atteindre. Un gros moteur à fond sur la 7. Ça veut le plat, ça a cassé l'assiette. Tout ça pour le dollar, ça pète les plans, voilà. Sous mitraillette, voilà. Ça roule à fond, voilà. C'est la guérilla, voilà. La mort roule à tolle. Un jour tout s'envole, tu sais pas quand vient ton heure. Dans ma ville souvent ça pète. Sous boucan ça s'arrache la tête. Ça vise le but, pas souvent ça l'atteint. Douille par terre, ça parle pas là. La zone est carbogrillée. La chronique ici, tu as des frères. Des mecs bizarres, ils deviennent des frères. Tu m'es promis que t'es prêt à tout quitter. Ici, ça tue pour effrayer. Ici, très jeune, c'est réveillé. Ça cherche d'aller voler les mitraillettes. Sans sortir, faut le faire pas essayer. Tu te fais appel de phare, vas-y, décale, poteau. Toto, ça monte sur la moto. Armé, gilet, pare-balles, sicario, aller-retour. Dans la vie qu'une chasse, non, t'as pas de kitoto. J'te fais appel de phare, vas-y, décale, poteau. Toto, ça monte sur la moto. Armé, gilet, pare-balles, sicario, aller-retour. Dans la vie qu'une chasse, non, t'as pas de kitoto. J'te fais appel de phare, vas-y, décale, poteau.